Gomera, cagoulé son Gilera, on verra comme ça finira. Grâce à Dieu si j'en suis là. J'ai 10 grammes de coke, allé sous la couille droite. Et le PGP est calé dans la poche gauche. Il suffit d'un croche patte pour que tu tombes mal. C'est une salope que tu connais qui va donner le go. La team s'impatiente, j'arrive en boîte séquentielle. La conque en est consciente, sur M saute le cancer. Mon bigo a des larcins pour ta fête, j'ai la potion. Faire des sous, j'ai la recette, je baisse pas mon caleçon. Si je veux, je les mange à tous, c'est magnifique. Je suis pas rentré dans leur sexe, c'est des balivernes. Si je veux, je sors un EP, je mets des balayettes. La conque, je lui mets des perfects sans les mains. Personne ne me fait peur dans ce putain de rap game. J'emmène la trique, j'allume le feu, je sors, je suis d'astreinte. Et quand je veux, je sors l'album, même si je fais pas stream. C'est la rue qui m'a nourri, pas comme ces bar train. Je me suis fait tout seul, je suis le poulet à personne. Et si tu piques, je te nique ta mère à la perceuse. Bénéfique, démarre la bécane à la boussole. L'ange de la mort dans les couloirs, j'entraîne une berceuse. Leur fait chier sur mes côtes, on a pisté le drone. H24, je suis dans le bord, j'ai pas changé de rôle. J'ai pas gravé de billets, j'ai sorti le chrome. Au quartier, je suis cassé, je rêve du vélodrome. Sa mère. Ah! On a des armes à feu, on fait peur à la ville. Tirez coup en l'air, le frérot se marine. Je fais qu'imaginer si doré est le chiffre. Mets-toi tes affaires si tu veux mon avis. On a des armes à feu, on fait peur à la ville. Tirez coup en l'air, le frérot se marine. Je fais qu'imaginer si doré est le chiffre. Mets-toi tes affaires si tu veux mon avis. Oui, c'est ma zéro frappé, on est à 4 dessus. Ma bouteille, écoute, cherche de la pète dessus. Viens faire un tour, vers chez nous, on a de la pète de stup. C'est la musique, ça paye direct, j'ai vesti. Dans les murs ou dans la poudre, avant j'avais cheat. C'est un Givenchy. Si on se met sur tes côtes, on saura ce que tu chies. Avec le cœur et les couilles et la Bugatti. On fait peur à tout le monde, Marseille c'est nous mon gros. Ton patron la pute, qui nous fait pas l'enfeu. Tu veux savoir le prix de la montre, tu vas saigner des yeux. Arme à feu dans le local, bar, je suis un vilain monsieur. On a fêté le papache, on a signé le contrat. Et vas-y on se casse, rejoins deux trois contacts. Des brouillards pour le dollar, jamais appelé papa. Une cagoule, un des max. Et franchement, tu crois que tu fais peur à qui? Quand tu montes le ton, fils de pute t'aligne. Me donne pas de leçon. Trop d'éther, trop des aides, rage dans le sang. Dans l'abat, tu rabattes, virage à 200. Et si je m'écarte dans ta chasse, crois-moi tu le sens. Je creuse l'écart, je fais la diff, puis l'adolescence. Les vrais mecs de la street dans mes textes sentent. Mets la balle au centre, en détail, j'ai deux points dans le caleçon. On a des armes à feu, on fait.